ça marche pas, là. C'est comme si à Nuremberg, là, tout d'un coup, on leur dit, bon, ben là, la guerre est finie. Puis, ceux qui ont collaboré, ils sont OK, on passe l'éponge, puis on va en discuter. On va susciter la discussion. Donc, vous, là, Hermann Göring, là, on va vous mettre ambassadeur à l'ONU ou de je sais pas, là. Ça n'aurait pas marché. Mais aujourd'hui, on est à une époque où on est encore plus. Les gens sont encore moins lucides que dans ce temps-là, tant qu'à moi. Mais Donc, ça passe. c'est ça, mais les gens n'étaient pas beaucoup lucides dans le sens que d'un côté, au procès de Nuremberg, bon, il y avait des nazis, des dirigeants, des soldats de concentration qui ont été accusés de crimes contre l'humanité pour avoir tué des femmes, des enfants, etc. Puis les mêmes gens qui sont les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, ont eux-mêmes attaqué des civils. Si on prend par exemple les Américains qui ont envoyé la bombe nucléaire à Nagasaki, Hiroshima, où il y avait des civils, je veux dire, c'était des villes où il y avait des femmes, des enfants. C'est drôle, eux autres n'ont pas été jugés également dans un esprit autocritique Ben pour non. crimes contre l'humanité. Dans une guerre des crimes contre l'humanité, t'en as toujours des deux bords. Exactement, c'est là que je voulais en venir. C'était pas Fait juste que. les nazis. Les Alliés ont même bombardé avec des avions bombardiers des villes allemandes civiles dans le but d'effrayer les gens des nazis des gens pour qu'ils justement qui leur créent un climat de peur qui fasse en sorte qu'ils perdent le moral, les Ben démoraliser. check. C'est comme moi, mettons, j'aurais été juge au procès de Nuremberg. Hermann Göring, j'en le pense pas, là. Moi, je suis contre qu'on le pende. Est-ce Parce que... qu'il essayait d'empêcher la guerre le plus qu'il pouvait. Hermann Göring, il se prenait pour un seigneur de la Renaissance, lui. Ce qu'il voulait, c'est avoir son château. Puis il essayait d'empêcher la guerre tout le temps. Parce que là, Hitler, puis d'autres, il est en train de préparer. Puis lui, il disait, non, non, on n'est pas prêt, là. On n'est pas prêt, là. On n'a pas la flotte aérienne encore que ça prend, puis tout. Puis il les a prévenus. Il disait, à long terme, en bout de ligne, on risque de perdre. Je veux dire, il a fait tout ce qu'il pouvait pour la retarder, la guerre, puis même l'empêcher s'il pouvait. Göring, là, tout ce qu'il voulait, là, c'est boire son cognac en regardant des tableaux, puis en se crémant avec ses petits pots. Je veux dire, c'est une personnalité bien particulière, là. Il était morphinomane en plus. Ben. Tu sais, je veux dire, moi, je le vois pas comme un des dangereux. Au contraire, il a servi à. Je veux dire, d'une certaine façon, sans s'en rendre compte, il a probablement souvent rendu service aux Alliés, tellement que les nazis n'aimaient pas l'envoyer comme dignitaire parce qu'il signait des traités de paix puis des ententes. Là, il revenait, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, ben moi, je suis diplomate, fait que j'essaie de. Tu sais, ils ont dit, non, non, qu'est-ce que tu fais là? Nous autres, on veut la guerre, puis le Göring, ouais, mais on n'est pas prêt. Mais quand ils ont pu récupérer, lui, c'était un des gros, là. Pas juste dans le sens qu'il était gros pour vrai, mais je veux dire, c'était un des haut placés, puis tout, fait qu'il fallait faire un exemple avec. Mais techniquement, là, il n'était pas coupable autant que d'autres, là. Même au contraire, moi, je l'ai tout le temps trouvé sympathique. Je l'aime pas, là, mais je veux dire, il est plus sympathique que Himmler, là. Il est plus sympathique que toute la gang, là. Je veux dire, c'est un des moins fous pour tester. Mais il reste que c'est pour la para, c'est pour la posture, c'est pour elle. C'est pareil à chaque fois. Check Colin Powell. Colin Powell, il a fini sa vie tranquille. C'est un criminel de guerre bien pire que Hermann Göring. Ça se Mais, compare même ben, pas. en fait, lui, il a menti au Conseil de sécurité de Oh l'ONU non, en pas disant que, juste ça. ben, vas-y, c'est quoi? Ben, c'est lui qui a couvert le massacre de My Lai qu'il y a eu au Vietnam. Les soldats américains. Ils ont fait des affaires aux villageois, je pourrais même pas décrire ça. Lui a couvert ça. OK. C'est un bel rêveur dans le temps, Colin Powell, puis tout. Puis lui, il s'attendait pas à ça, mais il s'est fait recruter par une académie militaire quand il était jeune, puis tout. Puis je pense, moi, que dès le début, il allait servir à ça. faire de la sale job, parce que c'est une personnalité faible quelque part. Mais le massacre de Mylai, d'avoir couvert ça, il aurait fallu le fusiller. C'est inacceptable. C'est l'enfer ce qu'ils ont fait. Puis lui, il a coup. C'est ça, c'est des crimes de guerre, aller couvrir une affaire de même. Ça n'a aucun sens. Il y a des femmes qui se sont faites ouvrir le vagin avec des pelles qui étaient enceintes jusqu'ici, là, puis ils sortaient les. Ça n'a pas de sens, tout ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des soldats américains qui auraient fait ça. Oui, OK. oui, oui. Puis lui, il a couvert ça, Colin Powell. C'est ses premiers crimes de guerre, puis il en a fait d'autres. Mais c'est sûr qu'on ne sait pas toutes. Mais Ça, c'est. c'est parmi les affaires qu'on sait. Non, mais c'est sûr que les Américains s'en vantreront pas. Mais je voulais t'amener sur le deux poids, deux mesures, dans le sens que dans le procès de Nuremberg, ils ont été forts pour accuser les nazis, mais eux-mêmes, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Mais. Ben, les nazis qui pouvaient servir, ils les ont ramassés puis ils les ont protégés. Ils ont fait pareil avec les Japonais. Oui, mais comme Von Braun, qui avait fait les fusées V2 qui ont amené aux États-Unis pour travailler pour des fusées de la NASA. Parce que Von Braun, là, la fabrique là, qui était cachée dans une grotte, là, comment ça s'appelait donc? Belémonde 2. La station de Belémonde 2. Il y a des gens qui. C'est inhumain. C'est inhumain, je veux dire, ça avait été montré. Il oublie ça, là, il aurait été pendu. C'est un monstre, Werner von Braun. C'est quelqu'un d'horrible, je veux dire, c'est aussi pire que Goering, là, ça se compare même pas. Ben, qu'est-ce que Probablement que même Mais qu'est-ce Goering que a fait? maîtrisé. Ben, c'est parce que lui, il fabriquait les fusées V2. Oui. Mais c'était de l'esclavage à mort. C'était des travaux forcés à mort, les gens qui les fabriquaient. C'était des civils. Comme ça prenait des enfants parce qu'il y avait des petites pièces qu'il fallait rendre. Hein? Toutes les histoires de la station de Belémonde 2, c'est affreux.